elle se promène dessous le rosier blanc au gai melon l'enlura. La belle se promène dessous le rosier blanc au gai melon l'enlura. Trois jeunes capitaines, tous trois lui font la cour. Trois jeunes capitaines, tous trois lui font la cour. Le plus jeune d'entre eux la prise de sa main blanche au gai melon l'enlura. Le plus jeune d'entre eux la prise de sa main blanche au gai melon l'enlura. Venez, venez la belle sur mon beau cheval gris. Venez, venez la belle sur mon beau cheval gris. En vite je vous emmène dans une hôtellerie au gai melon l'enlura. En vite je vous emmène dans une hôtellerie au gai melon l'enlura. Avec mon capitaine vous passerez la nuit. Avec mon capitaine vous passerez la nuit. À l'heure du coucher la belle tombe morte au gai melon l'enlura. À l'heure du coucher la belle tombe morte au gai melon l'enlura. Sonnez, sonnez trompette, tambour du régiment. Sonnez, sonnez trompette, tambour du régiment. Se promène dessous le rosier blanc au gai melon l'enlura.